cette semaine au Mathieu Plante Show. Donc, Théorie Jeune, Netflix économisera des millions de dollars grâce à sa nouvelle police de caractère. Dans Merci Science, des chercheurs ont déterminé la meilleure manière d'appuyer sur un bouton. Dans CNX, la mairie de Séoul force l'arrêt des ordinateurs pour préserver ses fonctionnaires. Et dans tout ce qui bouge, les applications GPS aggraveraient-elles les embouteillages? Au Mathieu Plante Show, tout de suite. Voici celui qui suit aveuglément son GPS, même à pied, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 2 avril 2018, oui, de retour après un congé encore une fois la semaine dernière, à la chronique télévisuelle Television, la section sciences, technologies, médecine, merci science et le segment Geek Cénix. Malheureusement, Frédéric Simon et Samuel Girard sont tous les deux absents cette semaine, donc pas de rubrique jeux vidéo. Par contre, dans quelques instants, on va parler de télévision avec Television. Mais avant ça, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. On a débuté ça avec MC Jimmy et la très très bonne pièce Futile Feud. Et on se continue ça avec la trame sonore du jeu Octahedron, disponible chez Brave Wave. On en parlera au retour, mais on commence ça avec la pièce Collider de Mono Mirror, tout de suite au Mathieu Plante Show. la pièce Collider de Mono Mirror sur la trame sonore de Octahedron. Un jeu de plateforme d'action psychédélique où les plateformes se créent devant toi alors que tu joues. Et sur la trame sonore, il y a Mono Mirror, Chipzel, Derek Howell, Andre Sabota, Sully et Aline et Reader. Vous pouvez retrouver ça sur Bandcamp et le jeu est sur Steam, PlayStation 4 et Xbox One. Maintenant, c'est Television Television. C'était Télévision Télévision où on parle des nouvelles télévisuelles les plus récentes depuis les deux dernières semaines. Dans ce cas-ci, parce que j'étais pas là la semaine dernière. Et il s'est pas passé grand-chose au Québec en deux semaines. En fait, les deux nouvelles du Québec, c'est des choses que vous avez certainement déjà entendues. Pour commencer la suite, des filles de Caleb au grand écran. Oui, Radio-Canada qui a annoncé en exclusivité qu'une suite aux populaires séries télévisées Les filles de Caleb et Blanche pourrait bien voir le jour sur grand écran. C'est le producteur Christian Larouche qui a annoncé la nouvelle à l'émission le 15-18 à la radio de Radio-Canada. C'est le troisième tome de la trilogie écrite par Arlette Couture, intitulé L'abandon de la mésange, qui serait transformé en deux films qui porteraient sur les filles de Blanche, Élise et Micheline. Le troisième tome qui est paru en 2003. C'est Catherine Léger qui est chargée d'écrire le scénario de ce projet et l'histoire se déroulerait entre les années 60 et 90. La comédienne Pascale Bussière, qui présentement est dans District 31, reprendrait son rôle de Blanche et les autres membres de la distribution n'ont pas encore été confirmés. Il faut attendre que le projet reçoive l'aval et le financement de la SODEC et de Téléfilm Canada pour voir le jour. Toujours au Québec, l'autre nouvelle est encore aussi People. C'est notre bon ami Sorik d'Occupation Double qui va être à la barre de magazine de décoration. Hein, c'est-tu n'importe quoi? C'est Faites-nous la cour. Lui qui a participé à la plus récente édition d'Occupation Double animera bientôt un nouveau magazine déco à Canal Vie. Lui et ses experts, dont lui n'est pas un expert, les autres sont des experts, rénoveront et aménageront la cour de quelques propriétaires privilégiés. La designer Samantha Deschaine et l'ébéniste artisan Marc-André Gauthier-Lachin participeront au magazine déco. Produite par Zone 3, la série comptera 13 épisodes de 30 minutes et le tournage va débuter ce mois-ci en avril. Les propriétaires qui désirent s'inscrire, c'est sur canalvie.com. On va au Canada maintenant avec une femme, enfin, à la tête de CBC et Radio-Canada. Pour la première fois de son histoire, la société sera dirigée par une femme. Il s'agit de Catherine Tate, une productrice anglophone bien connue dans le milieu de la télé et du cinéma, nous dit la presse canadienne. La ministre du patrimoine canadien, Mélanie Joly, a insisté sur cette première en présentant Mme Tate à la presse dans le foyer de la Chambre des communes. Elle a fait son choix à partir d'une courte liste de candidats recommandés par un comité indépendant. Ceux qui ont côtoyé Mme Tate la décrivent comme une personne dynamique et visionnaire. On dit qu'elle ne craint pas de prendre des risques et qu'elle a une bonne connaissance de l'industrie, autant sur la scène canadienne qu'internationale. La principale intéressée, qui s'exprime autant en anglais qu'en français, a promis d'aller plus loin dans l'offre numérique de la société d'État. Elle est connue au Canada anglais, ça c'est intéressant, pour avoir dirigé Salter Street Films, qui est la maison de production qu'a créée à l'émission This Hour's 22 Minutes sur CBC. C'est un peu un genre de la fin du monde est à 7 heures. Elle a débuté sa carrière comme fonctionnaire fédérale il y a plus de 30 ans, à ce qu'on appelait à l'époque le ministère des communications. Cette femme d'affaires de 60 ans est présentement présidente de Duopoly, une entreprise qui produit du contenu numérique, télévisuel et cinématographique. Elle a travaillé autant au Canada qu'aux États-Unis et elle habite maintenant à New York. Elle entrera en fonction en juillet pour remplacer l'actuel président-directeur général du diffuseur public Hubert Lacroix, qui avait été nommé par le gouvernement Harper en 2008. Il devait quitter le 31 décembre, mais son mandat avait été renouvelé pour donner plus de temps au comité indépendant nommé par le gouvernement pour faire ses recommandations. Voilà, vous pouvez voir d'autres détails sur tout ça sur assemblagewiki.com. Il y a vraiment beaucoup d'autres détails. Ensuite de ça, toujours au Canada, l'OTM qui met à jour son rapport sur les téléspectateurs sans contrainte canadiens. Qu'est-ce que c'est les téléspectateurs sans contrainte? Vous allez le savoir dans quelques instants. On dit que 9% pardon, des francophones et 14% des anglophones composent les téléspectateurs sans contrainte. Donc ces citoyens, ce sont des citoyens, oui, qui n'ont aucun abonnement à la télévision. Ce nouveau rapport brosse un portrait plus actuel des Canadiens qui consomment des contenus presque exclusivement en ligne. Actuellement, 17% des francophones, 27% des anglophones ne sont abonnés à aucun service linéaire de télévision. Ils sont 9% des francophones et 14% des anglophones à être des téléspectateurs sans aucune contrainte. Ces personnes, qui n'ont donc aucun abonnement de télé et n'ont pas d'antenne non plus, consomment tout de même beaucoup de contenu télévisuel et ce groupe a choisi bien sûr Internet pour consommer ces contenus. Les téléspectateurs sans contrainte canadiens sont habituellement plus jeunes et aux études. Ils habitent généralement dans des foyers n'ayant que le téléphone cellulaire. Plus de la moitié des téléspectateurs sans contrainte canadiens regardent la télé en ligne sur leur ordinateur. Plus du tiers le font sur leur téléphone intelligent. Et cette année, l'OTM a adopté une méthodologie mixte qui comprend un sondage téléphonique ainsi qu'un sondage de suivi en ligne. On va aux États-Unis où Once Upon a Time, on sait déjà que ça se termine, mais de nombreux acteurs vont être de retour pour la conclusion du conte. Le 18 mai prochain, après une tentative de reboot via une saison 7 qui n'aura pas prise auprès des téléspectateurs, Once Upon a Time fermera définitivement ses portes sur ABC. Heureusement, les fans de la première heure devraient être ravis d'apprendre que pour l'épisode final, de nombreux acteurs et actrices qui ont quitté le navire durant la saison 6 ou avant seront de retour pour dire adieu à Storybrooke dans l'épisode nommé « Leaving Storybrooke ». Donc l'ancienne vedette principale de l'émission, Jennifer Morrison qui jouait Emma, aussi Jennifer Goodwin qui jouait Blanche, Joshua Dallas dans le rôle de Charming et Emily the Raven qui jouait Belle seront de la partie aux côtés des trois personnages qui étaient restés pour la saison 7, les personnages de Regina, Capitaine Crochet et Rumpelstiltskin. Concernant la conclusion, j'imagine qu'il y a des spoilers, fait que je vais même pas lire le paragraphe. Ensuite on va adapter, en tout cas c'est ce qu'on espère faire, la saga de jeux vidéo Street Fighter en série télévisée. La saga de jeux de combat est en bonne voie d'être adaptée en série live, donc avec des humains, aux États-Unis, par l'équipe qui s'est occupée de la web-série Street Fighter Assassin's Fist. Selon Deadline, la société de production Entertainment One et le producteur Mark Gordon seraient proches de conclure un accord avec Capcom pour développer une série télé sur le thème de Street Fighter. Aux commandes, on pourrait trouver Joey Ansah, Jacqueline Cuella et Mark Wooding, qui sont à l'origine, comme je le disais, de la série web Street Fighter Assassin's Fist, qui est sur YouTube depuis 2014. Selon les premières pistes de scénario évoquées, on retrouve les bases de Street Fighter 2, donc Ryu, Ken, Guile et Chun-Li qui s'embarqueraient dans le tournoi World Warrior dans le but de traquer Mr. Bison à la tête de l'organisation criminelle Shadaloo. Action, baston et une pointe d'enquête devraient donc être au programme pour cette série. Si le projet n'en est qu'à ses balbutiements, il y a d'ores et déjà la bénédiction du producteur exécutif de la franchise de jeux Yoshinori. Oh non. Voilà. Yoshinori Ono. Continuons en dessin animé, passons au dessin animé, parce que Street Fighter, ça aurait été avec des humains, même si on est habitué à voir un jeu vidéo avec des personnages créés par informatique. La série animée de Deadpool est abandonnée. Suite à des différends créatifs avec Marvel, FX Productions et les frères Glover ont décidé de quitter le navire. La série animée Deadpool n'aura donc finalement pas lieu aux grandes dames des fans de l'anti-héros. C'était donc trop beau pour être vrai, nous dit-on. Annoncée en mai dernier, l'adaptation animée de Deadpool est officiellement annulée, alors qu'elle vendait pourtant du rêve avec une promesse d'être aussi mature que les bandes dessinées de Fabian Nicieza. Steven Glover et Donald Glover et FX Productions ont décidé de se retirer du projet en collaboration avec Marvel Television et ABC Signature Studios. Le média américain The Hollywood Reporter annonce que des divergences scénaristiques ont eu raison de ses départs et qu'il est peu probable que la série animée puisse voir le jour avec une autre équipe. The Hollywood Reporter qui précise également que le rachat du réseau Fox et ses licences par Disney serait à l'origine de l'abandon du projet. Quand même, THR avance l'hypothèse concernant une probable arrivée de la série de Marvel sur la plateforme de streaming de la firme Disney. Deadpool qui revient d'ailleurs au cinéma dans Deadpool 2 dans quelques mois. Ensuite, continuons avec l'humoriste Byron Allen qui achète la chaîne météo américaine The Weather Channel pour 300 millions de dollars. Oui, oui, un humoriste et producteur, Byron Allen, qui a acheté Weather Channel, la chaîne télé. Il veut lui prendre l'expansion dans le domaine de la production télé et cinématographique. Sa compagnie Entertainment Studios a acheté la chaîne de Blackstone Group, Bain Capital et Comcast Corporation. Selon un communiqué de presse, le prix est estimé à 300 millions de dollars environ selon une personne familière avec le contrat qui n'avait pas le droit de parler en public. Ça comprend donc la chaîne télé câblée, mais pas ce qui est en ligne. Donc le site weather.com, ça reste pas à lui. Les applications mobiles ne sont pas à lui. Tout ça a été acheté par IBM en janvier 2016. La compagnie de Allen produit et comme on appelle syndicate, donc ça veut dire qu'il diffuse, il distribue si on veut, des émissions qui vont être achetées par des chaînes locales. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Bref, lui qui fait ça et qui a en plus sorti des films comme le thriller 47 Meters Down, le Comcast Blackstone Bain Group qui avait acheté Weather Channel en 2008 pour environ 3,5 milliards de dollars. On reste aux États-Unis avec GSN, c'est la chaîne qui se cherchait un petit peu pendant un bout, mais elle finit toujours par revenir aux jeux télévisés. C'est une chaîne de Sony. Ils ont vraiment changé de créneau plusieurs fois. Ils ont essayé la télé-réalité, ils ont essayé des jeux un petit peu plus genre grand public, guerre des clans pendant 12 heures de suite sur leur horaire. C'était ça qu'ils faisaient très récemment. Je pense qu'ils le font encore dans les derniers jours, mais bon. Mais GSN va changer de format pour revenir aux jeux télévisés traditionnels. Il prévoit diffuser les émissions en jours de semaine au lieu d'en marathon de plusieurs heures à la verticale, comme on l'appelle. Ils disent que c'est ce que les gens veulent parce que oui, la mode des jeux télévisés est de retour. Oui, oui, pour ceux qui s'en sont pas rendus compte parce qu'ils écoutent pas la télé, qui ont pas le câble. Des émissions comme La Guerre des Clans, édition vedette, Celebrity Family Feud, Match Game, l'équivalent de la tombe crochue, $100,000 Pyramid, qui est l'équivalent de pyramide, évidemment, et Snoop Dogg Presents The Joker's World sont présentement super tendance à la télé. Il y a HQ Trivia, le jeu sur téléphone cellulaire aussi. Tout ça, ben, le succès des jeux télévisés, c'est une très bonne nouvelle pour GSN, qui a essayé de s'appeler GSN pendant quelques années, mais là, sont de retour à Game Show Network, ce que les fans aiment beaucoup. Et on essaie de se pencher vers cette stratégie-là. Les jeux télévisés qui vont être diffusés tous les soirs à la même heure. Voilà, donc c'est grâce à Fran Shea, qui est la directrice de la programmation et du marketing, qui est arrivée chez GSN en octobre dernier, pour aider à compléter le pivot, comme on l'appelle. C'est très, c'est aussi très tendance comme mot, le pivot, pour revenir aux jeux télévisés traditionnels et vers un horaire traditionnel. C'est ce qu'ils ont discuté, ou ce qu'ils vont discuter pendant les prochains mois. On va faire des strips, qu'on appelle, donc 5 soirs semaine, comme on ferait sur les stations locales qui diffusent tout le temps depuis des décennies, mettons Géopardy à 19h et la Route Fortune à 19h30, mais tu sais que tu peux regarder à l'heure précise cette émission-là. Ça fait old school, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et on essaie de faire aussi un genre de HQ Trivia qui devrait arriver dans les prochains mois ou années chez GSN. Ils avaient essayé d'autres jeux télévisés comme ça, la nuit entre autres, un genre de Call TV qu'il y avait sur cette chaîne-là. Ça a duré quelques années et ça finit par s'en aller. Il va y avoir un quiz qui s'appelle America Says, où deux équipes d'amis et de famille vont essayer de compléter des trous comme dans la tombe crochue ou garder des clans un petit peu. Il va aussi y avoir comme nouvelle émission Caroline and Friends avec l'humoriste Caroline Ray qu'on connaît pour Sabrina l'apprentie sorcière, qui va diffuser des vidéos virales avec l'aide de ses amis vedettes et qui va présenter un prix à la famille qui a soumis la vidéo gagnante. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est le même concept que America's Home Videos, America's Funniest Home Videos, drôle de vidéo aux États-Unis. Ben, c'est créé par la même personne, Vin DiBona, qui s'occupe de AFV depuis 1990 sur ABC. Donc, on refait la même chose. Et on a aussi la continuité de la diffusion de Taxi Payant en anglais sur GSN, la version américaine avec Ben Bailey, Cash Cab. Aussi, le retour de Snap Decision, animé par David Alan Greer. Winsanity avec Donald Faison, qu'on connaît pour Scrubs. Et Divided, animé par Mike Richards. Ils ont aussi leur série de documentaires Cover Story qui va continuer. Je leur souhaite beaucoup de succès parce qu'ils n'en ont pas été facile, Game Show Network. Leur petite phase télé-réalité, là. Et que c'était pénible. Très pénible. Il y avait des quiz quand même, mais il y avait un quiz sur la Bible. Hein? Bref, parlant de religion, le succès de Roseanne lui vaut une saison supplémentaire. Oui, je dis ça parce que c'est une grande fan de Donald Trump et son personnage l'est aussi. Donc la chaîne ABC a annoncé avoir reconduit pour une 11e saison, une saison supplémentaire, la série Roseanne, moins de 3 jours après son retour à la télé pour la première fois depuis 20 ans, après évidemment un immense succès d'audience. Diffusé sur la chaîne ABC les mardis soirs, le premier volet de la 10e saison de Roseanne a réuni 18,2 millions de téléspectateurs selon l'Institut Nielsen. Le président a tellement vanté ça. Checkez ses codes d'écoute! Checkez ses codes d'écoute! C'est clair que c'est bon! Checkez ses codes d'écoute! C'est marron. Hein? Aucune autre série n'a fait mieux cette saison, à part un épisode de This Is Us sur NBC, qui avait dû son audience exceptionnelle de 26,9 millions au fait qu'elle avait été diffusée directement après le Super Bowl. Ça aide un peu, hein? Qui avait rassemblé 103,4 millions de personnes. Voilà, donc tout comme à l'époque de sa première diffusion de 88 à 97, Roseanne est l'une des rares séries à mettre en scène la classe ouvrière américaine. Voilà, donc vous pouvez retrouver le premier épisode de la saison 10 sur CTV.ca en ce moment si ça vous intéresse. Ensuite, on va rester aux États-Unis avec The Rain. Non, on s'en va sur Internet. Et on s'en va à l'international par le fait même. The Rain, la série post-apocalyptique danoise de Netflix, s'en vient. La première série originale danoise de Netflix s'en vient dans les prochains mois. En fait, c'était en janvier qu'on annonçait The Rain, une série originale scandinave qui s'en vient au printemps. Et bien maintenant, la bande-annonce est sortie. Il faut attendre jusqu'au 4 mai prochain pour pouvoir poser les yeux sur les 8 épisodes de cette émission post-apocalyptique. 6 ans après l'apparition d'un virus mortel ayant éliminé plus de la moitié de la population, un frère et une sœur partent à la recherche d'un abri dans un monde devenu périlleux. Comme le nom de l'émission l'indique, ce virus est transporté par la pluie, qui devient donc une véritable menace pour la survie. créé par Yannick Thaï Mosholt et d'autres. The Rain est réalisé par Natasha Arty et Kenneth Kynes. Et le casting est composé de gens que vous ne connaissez pas et moi non plus. Pour l'instant, une autre série de science-fiction originale fera son retour dès le 27 avril. C'est une série brésilienne qui s'appelle 3% et c'est la saison 2 qui s'en vient. Toujours chez Netflix, avec une nouvelle police de caractère, Netflix va économiser des millions de dollars. Comment est-ce possible? La nouvelle police de caractère s'appelle Netflix Sense. Au-delà d'un simple changement visuel, cette modification permettra aux géants de ne plus avoir à payer des millions de dollars par année pour des droits, hein, bien sûr. Le coût des licences de police peut devenir assez conséquent avec autant d'activités que Netflix fait. Concevoir cette police renforce non seulement l'identité de la marque, disent-ils, mais permet aussi à l'entreprise d'économiser des millions de dollars par année, car les fonderies typographiques exploitent de plus en plus des licences basées sur les impressions dans l'univers du numérique. C'est ce qu'a dit le directeur du design chez Netflix. Une police est régie par des règles de propriété intellectuelle. Jusqu'à maintenant, Netflix utilisait la célèbre Gotham, une police non libre de droit, pour laquelle il faut, en théorie, payer. Créée en 2000 pour le magazine GQ, Twitter et même Barack Obama, pour sa campagne présidentielle en 2008, l'avait utilisée. Pour pouvoir s'en servir, Netflix payait des licences à son propriétaire, l'excellente fonderie Efren Frere Jones. Sur Internet, c'est l'audience qui détermine le prix à payer. Je cite, « Plus il y a d'utilisateurs, plus les prix montent. » Pour une PME qui attire 500 000 visites uniques par mois, le coût de la licence va rester modeste, mais dans le cas de Netflix et de ses 120 millions d'abonnés payants, c'est plus cher. Hein? C'est donc motivé par ses économies potentielles que Netflix a collaboré avec la fonderie Dalton Mag pour créer sa propre police à usage exclusivement réservé, le tout pour un montant entre 150 et 200 000 $ US. Le lancement de Netflix Sense n'a pas encore été officialisé, mais la police sera à terme utilisée aussi bien sur le display, l'affichage de vos télés, que pour d'autres fonctionnalités. En passant, il y a plein d'autres compagnies qui ont leur propre police de caractère. Apple, Microsoft, Google, IBM, Radio-Canada, sa propre police maintenant. Donc c'est tendance de payer moins cher pour faire sa propre police. C'est un investissement au début, mais après ça, tu économises plein d'argent. Ensuite, une adaptation série. Tout le monde demandait ça, j'en suis certain. Les sondages devaient le dire. Il fallait absolument faire une émission de télé basée sur une ligue en jupons. Abby Jacobson de Broad City tente de ramener les Peaches de Rockford dans une adaptation télé de la comédie sportive League of Their Own, donc une ligue en jupons. Les Peaches qui pourraient faire un retour selon The Hollywood Reporter. Amazon chercherait à adapter le classique en une histoire plus moderne. Le diffuseur est en train de développer une série avec Will Graham, qu'on connaît pour Mozart in the Jungle, et Abby Jacobson de la série Broad City pour coécrire et produire le projet. La comédie d'une demi-heure est actuellement en cours de développement avec une salle de scénaristes travaillant sur des scripts. Si Amazon adapte la série, Jacobson, qui a co-créé et qui joue dans Broad City, n'aura pas de rôle à l'écran, selon The Hollywood Reporter. Synopsis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un championnat professionnel de baseball féminin se met en place aux États-Unis. Les sœurs Dottie Hinson et Kit Keller sont notamment recrutées pour y évoluer, et les deux femmes rivalisent depuis leur plus jeune âge. Et le championnat est le terrain idéal pour que Kit puisse enfin prouver à sa grande sœur qu'elle est son égale. Moi, ça me rappelle qu'il y avait une série sur le baseball, en tout cas une série sur le baseball mettant en vedette une femme. C'était, je crois, il y a deux automnes, si je me rappelle bien. Ça s'appelait Pitch et ça a été un énorme flop. Donc, je sais pas si les gens sont ouverts à une série concentrée sur le baseball. Je sais pas. Donc, le film mettait en vedette Laurie Petty, Tom Hanks, Gary Marshall, Madonna Joy, Gina Davis, Bill Pullman, John Lovitz et David Strathern. Le film de 1992 était une fiction basée sur les débuts bien réels de la Ligue féminine de baseball américain, la All-American Girls Professional Baseball League. C'est considéré comme l'un des plus grands films de sport de tous les temps. Il a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès pour être conservé au National Film Registry des États-Unis en 2012. Ensuite, Steven Spielberg, parlant de cinéma, va produire une série sur le conquistador Cortés. Le cinéaste qui va produire pour la plateforme, encore une fois, Amazon, une mini-série sur le conquistador espagnol Hernán Cortés, qui sera interprétée par Javier Bardem. Le script de cette mini-série de 4 heures, intitulée Cortés, a été écrit durant les années 60 par le grand scénariste hollywoodien Dalton Trumbo, qu'on connaît pour Spartacus, Exodus, Roman Holiday et d'autres. Conçu à l'origine pour un long métrage, il a été adapté par Steve Zaillian, qui avait déjà réalisé l'adaptation du livre La liste de Schindler pour le film du même nom de Steven Spielberg de 1993. Outre Steven Spielberg, Cortez sera coproduit par Javier Bardem ainsi que par Daryl Frank et Justin Falvey, qui ont tous deux collaboré sur la série The Americans. Le récit sera particulièrement axé sur la rencontre entre Cortés et l'empereur aztèque Moctezuma, dernier souverain de cette civilisation au début du 16e siècle. À la tête de quelques milliers d'hommes, Cortés est parvenu avec un sens politique et stratégique aigu à conquérir ce qui est aujourd'hui le Mexique, renversant les Aztèques tout puissants. Le projet est produit par Amblin Television, maison de production créée par Spielberg et qui compte parmi ses investisseurs Universal Pictures. Et on dit qu'à l'instar de Netflix, Amazon investit chaque année plusieurs milliards de dollars dans la production de contenu, films ou séries. Continuons avec Ringworld. Et encore une fois, on est chez Amazon qui va adapter L'Anneau Monde de Larry Niven. Le service de streaming d'Amazon Prime a confirmé plusieurs séries dramatiques en cours de développement, dont le roman de science-fiction primé de Larry Niven, Ringworld, qu'on appelle en français L'Anneau Monde, plus les 4 suites et les 4 prequels qui se passent avant dans l'univers de Niven. À 200 ans, Louis Wu a conservé un corps de jeune homme et une âme d'explorateur. Aussi se laisse-t-il tenter quand le marionnettiste lui propose de l'accompagner au-delà de l'espace connu. Mais l'expédition qui se prépare ne sera pas de tout repos, puisqu'à Wu et à l'étonnante créature à deux têtes et trois pattes s'adjoindront un Xin, un être féroce et effrayant aux dents et aux griffes acérées, ainsi que Tila Brown, une jeune humaine follette mais douée d'une chance insolente. L'hétéroclite équipe s'embarque donc à destination de l'Anneau Monde, une planète lointaine cerclée d'un mur de 1 600 000 km de large et de 1500 km de haut, 1500, dont personne ne connaît les occupants. Sci-Fi, la chaîne américaine, avait déjà développé les livres comme une mini-série de 4 heures avec William S. Tubman Jr. Et Edward Milstein en tant que producteur délégué. Ringworld faisait partie du même programme de développement de Sci-Fi en 2013 que l'adaptation de The Man in the High Castle de Philip K. Dick, qui n'a pas non plus été diffusée chez Sci-Fi, mais qui est devenue la série phare d'Amazon. La nouvelle série serait coproduite avec MGM. Voilà. Voilà. Ensuite... Continuons avec le web. Le héros de BD, l'agent Jean, sera décliné en web-série. C'est le groupe Média TFO qui diffusera en primeur la nouvelle série jeunesse L'Agent Jean. Donc, groupe Média TFO, ici Radio-Canada Télé et Frima Originals adaptent pour la première fois à la télé et sur les plateformes numériques l'univers du héros de bande dessinée L'Agent Jean. C'est le comédien Pierre-Luc Funk qui va prêter sa voix au personnage. Sarah-Jeanne Labrosse va incarner Bulle, experte en espionnage et en infiltration. Aux côtés de leurs acolytes, mélange de super-héros et d'enfants, ils embarquent le jeune public dans leurs aventures décalées et leur monde coloré aux allures de jeux vidéo. L'Agent Jean rejoindra les 6-9 ans qui pourront ainsi renforcer leur compétences dans la résolution de problèmes et la collaboration avec les autres. TFO ainsi que la chaîne YouTube TFlix TFO diffuseront les 10 épisodes de 90 secondes à compter du 2 avril, donc c'est déjà fait. L'agent Jean qui sera en ondes du lundi au vendredi à 17h55 entre d'autres émissions sur TFO et sera proposé en rafale le samedi à 18h30 et le dimanche à 19h. Radio-Canada va présenter la série de le 7 avril ainsi qu'en rattrapage sur radiocanada.ca et l'agent Jean sera aussi en ligne sur ici2.tv à partir du 11 avril. À la guerre du sport en streaming est lancée aux États-Unis entre Turner et ESPN. Le groupe Turner de Time Warner a annoncé le lancement au début du mois d'avril de sa nouvelle plateforme vidéo de sport en direct et en ligne, quelques jours avant celle de son principal rival ESPN. Signe de l'ouverture des hostilités sur un marché considéré par beaucoup comme l'un des derniers Eldorado de la télévision, nous dit l'agence France Presse. Plusieurs plateformes de sport en ligne existent déjà aux États-Unis. beIN Sports Connect, l'émanation du géant du Qatar beIN Media Group, qui s'est notamment lancé en 2014. Outre un déficit de notoriété aux États-Unis, son principal handicap est que le service ne propose aucun des 4 sports majeurs aux États-Unis, soit le football américain, le basketball, le baseball ou le hockey. Il existe aussi d'autres plateformes qui s'adressent essentiellement aux amateurs de soccer, comme Fubo TV ou iGoal, mais axées sur un seul sport, ces services ne font que proposer le contenu de chaînes existantes et ne sont pas propriétaires des droits de diffusion. Turner, de son côté, possède les droits de la NBA, mais aussi du basketball universitaire, la NCAA, et du circuit professionnel nord-américain de golf, de la PGA. En vue du lancement de sa plateforme, Turner avait en outre acquis début 2017 les droits de la Ligue des champions et de l'Europa League de soccer pour les États-Unis à compter de la saison 2018-2019. Sollicité par l'agence France Presse, Turner n'a pas souhaité révéler le prix de l'abonnement à ce nouveau service baptisé Bleacher Report Live, du nom d'un site qui a été racheté en 2012 et devenu une référence de l'information sportive. Cette nouvelle offre va entrer en compétition frontale avec ESPN, qui est donc c'est ESPN Plus, la nouvelle plateforme du groupe ESPN, qui est la marque de télé sportive la plus connue au monde. Pour ne pas cannibaliser ses propres chaînes traditionnelles qui sont également disponibles en ligne, ESPN a choisi de ne diffuser pour l'instant que des événements sportifs qui ne sont pas retransmis sur ses propres antennes. La plateforme proposera donc des rencontres de la MLB au baseball, de la LNH au hockey, des tournois du Grand Chelem de tennis ou de la MLS pour le soccer. Disney a choisi de proposer ce nouveau service à un prix attirant pour le lancer, soit 5 US par mois, quand même. Et pour l'instant, Netflix se tient encore loin du sport. Amazon a essayé quelques fois, entre autres quelques matchs de la NFL, mais ça reste quand même assez en retrait. Et pour terminer, chez Apple, qui est prêt à dépenser $1 milliard en séries et en films. Apple qui avance lentement mais sûrement pour son projet de plateforme vidéo. D'après le New York Times, la firme de Cupertino programme la sortie d'une première série de séries et de films originaux à partir de mars 2019. La mise de départ est plutôt conséquente, on parle de $1 milliard et ce n'est qu'un début. Apple qui veut suivre une ligne fidèle à son identité joyeuse et optimiste, donc rien de sombre et de glauque. On dit donc que 9 de ces projets-là vont être des straight-to-series, donc 9 sur 12 programmes, des séries complètes sans passer préalablement par un épisode pilote pour tester la chose. La sortie de ces 12 séries s'échelonnera entre mars et l'été 2019. À la tête de la division Worldwide Video, Apple a placé deux anciens de chez Sony Pictures Television et on leur doit à eux ces succès Breaking Bad, Better Call Saul, Blacklist, Bloodline, The Crown, Damages, The Shield et plusieurs autres. On dit que Apple va être très scrupuleux sur le cahier des charges. Tous les producteurs et professionnels du cinéma approchés racontent que la compagnie veut des programmes en phase avec son identité, comme je disais tantôt. Parmi les projets les plus avancés, on peut citer la série signée avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, dont le drame tournera autour d'une émission télévisée matinale. Apple veut aussi relancer les histoires fantastiques Amazing Stories de Steven Spielberg, et on travaille sur une série dans l'espace impliquant le producteur de Battlestar Galactica. Apple a aussi signé avec Damien Chazelle, qu'on connaît pour La La Land, pour un projet tenu secret. On parle d'une série aussi animée par les créateurs de Bob's Burgers. Apple opterait pour un modèle par abonnement à la manière de Netflix. C'est aussi la voie que suivrait Disney. Le studio va retirer d'ici la fin de l'année ses émissions de Netflix pour lancer sa propre plateforme. On en a parlé il y a quelques mois de ça, avec des choses comme Star Wars, le catalogue de Marvel et celui de Pixar. Voilà pour un très long bloc de Television Television. Il s'en passait des choses cette semaine. On va retrouver les liens sur assemblagerocky.com, mais on va aussi retourner en chiptune, c'est-à-dire en musique, dans ce cas-ci, tirée de jeux vidéo. On était sur la trame sonore de Octahedron, Original Soundtrack. On s'en va entendre une deuxième pièce, celle-ci par André Sobota. Voici Unattached, MPS, le Mathieu Plante Show. C'est Return to Zebes, Music from Super Metroid, c'est le nom de l'album, c'est par Garrett McPherson. La pièce qu'on va entendre était Prologue, Theme of Super Metroid. C'est donc une célébration de la musique de Super Metroid, ça, Return to Zebes. Guitare, synthétiseur, pour rendre hommage à ces pièces de jeux bien connues. C'est disponible sur Bandcamp en ce moment. Donc, Return to Zebes, Z-E-B-E-S. On a écouté une autre pièce tantôt de ça, c'était pas mal bon. Mais pour l'instant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique qui remercie la science d'exister. On commence avec le cerveau, comme on le fait souvent, tumeur au cerveau. Un diagnostic amélioré grâce à l'intelligence artificielle. Plutôt rare, mais touchant les enfants comme les adultes, les tumeurs cérébrales peuvent laisser des séquelles. Pour prêter main forte aux médecins dans le diagnostic de ces rumeurs, de ces tumeurs, oui, des chercheurs proposent une approche basée sur le machine learning, l'apprentissage par la machine. Pour engager des traitements plus efficaces et mieux évaluer le pronostic vital, tout l'enjeu est d'identifier précisément le type de tumeur cérébrale auquel on a affaire. Classiquement, le diagnostic se fait par histologie, c'est-à-dire par l'observation au microscope des tissus biologiques qui ont pu être prélevés. Cette méthode repose sur l'analyse d'irrégularités cellulaires subtiles, si bien que le diagnostic final peut varier sensiblement d'un médecin à un autre. En outre, plusieurs types de tumeurs peuvent partager des caractéristiques histologiques sans pour autant évoluer de la même façon. C'est pourquoi David Capper et ses collègues se sont tournés vers une autre méthode d'analyse basée sur des marqueurs moléculaires, celle de la méthylation de l'ADN des cellules tumorales, soit l'addition de groupes méthyl sur l'ADN. Ce genre de diagnostic, qui a l'avantage d'être totalement objectif, ne se fait pourtant pas de façon systématique par manque de moyens, bien que les efforts aillent dans ce sens. L'OMS, qui est l'Organisme mondial pour la santé, l'Organisation mondiale de la santé, j'avais comme un mot ou deux, conseille depuis 2016 de combiner l'histologie et l'analyse moléculaire pour examiner certains types de tumeurs du cerveau. Souhaitant standardiser le processus, les chercheurs ont entraîné un ordinateur à analyser et classer les tumeurs cérébrales en différentes catégories selon leur profil de méthylation grâce au machine learning, un champ d'études relevant de l'intelligence artificielle. Leur système améliore la précision de diagnostic histologique ou moléculaire classique. En effet, 12% des tumeurs sur les 1104 cas étudiés ont été changés de catégorie suivant les recommandations de l'ordinateur. Le machine learning ou l'apprentissage automatique, des fois, permet à l'ordinateur d'apprendre à reconnaître les profils de méthylation caractéristiques des tumeurs cérébrale à partir des données que lui ont fournies les chercheurs. Celle-ci recoupe tous les types de tumeurs de cerveau connus, ou presque, et après entraînement, l'ordinateur a distingué 82 catégories de tumeurs, dont 29 correspondent à celles de l'OMS, 29 autres à des sous-catégories, tandis que les autres ne coïncidaient pas du tout. Les chercheurs ont ensuite demandé à l'ordinateur de classer à son tour 1104 tumeurs du cerveau déjà identifiées par des médecins à l'aide des méthodes histologiques ou moléculaires standards. Les résultats détaillés dans une publication parue dans Nature confortent le diagnostic des médecins, le précise, voire l'améliore dans certains cas. Si on saute à la conclusion de tout ça, la méthode développée par les chercheurs prouve son utilité pour l'identification des tumeurs, en particulier lorsqu'elles ont des caractéristiques histologiques ambiguës. Elle pourrait, selon eux, compléter les outils de diagnostic de routine sans demander davantage de temps ni de moyens, notamment de puissance de calcul. Ils ont effectivement rendu leur dispositif d'analyse disponible gratuitement en ligne. Ils soulignent également que l'approche par machine learning pourrait être appliquée au diagnostic de tumeurs autres que cérébrales, ce qui est une excellente nouvelle. Le reste des détails, et il y en a beaucoup, sont sur assemblagerequis.com. Maintenant, on parle de diabète. Et contre le diabète, un poisson aveugle aurait une solution selon une étude de chez Harvard. Astyanax mexicanus, aussi appelé tétra aveugle, tétra mexicain, peut vivre en bonne santé malgré une résistance à l'insuline et des taux de sucre sanguin élevés. Les chercheurs aimeraient bien connaître le secret de ce poisson. Les chercheurs de la Harvard Medical School s'intéressent à un curieux poisson, ce poisson dont certaines formes aveugles vivent dans des grottes au Mexique. Dans une étude parue dans Nature, les chercheurs ont trouvé que le poisson était résistant à l'insuline. De nombreux poissons avaient une mutation touchant un récepteur de l'insuline. Chez l'homme, une telle mutation rend diabétique, car comme l'insuline se lie moins bien à son récepteur, elle est moins efficace, d'où un taux de glucose sanguin élevé. Bizarrement, chez ce poisson, le dérèglement de la glycémie n'impacte pas sa santé. Le poisson a une glycémie élevée, mais il ne souffre pas de complications comme on peut le voir chez l'homme. Les caractéristiques physiologiques du poisson pourraient être une adaptation à ses conditions de vie. Astyanax mexicanus vit dans des milieux souterrains qui ne lui apportent parfois aucune nourriture pendant plusieurs mois. De longues périodes de jeûne forcé alternent avec des périodes plus fastes où il trouve des algues et des vers pour se nourrir. Dans leur étude, les chercheurs ont comparé les poissons cavernicoles aveugles à leurs proches cousins vivant en surface et qui ne sont pas résistants à l'insuline. Ils les ont élevés ensemble pour obtenir des centaines de poissons hybrides. Les hybrides étaient plus gros et avaient un taux de glucose sanguin plus élevé que les poissons non mutés. La prise de poids pourrait être un avantage pour la vie cavernicole en raison des longues périodes où la nourriture manque. Les chercheurs ont aussi introduit la mutation du poisson cavernicole chez le poisson zèbre et montré qu'elle le faisait grossir et favorisait la résistance à l'insuline. L'idée des scientifiques et de trouver les mécanismes mis en place par l'animal pour que sa résistance à l'insuline ne soit pas nocive, ce qui permettrait d'identifier de nouvelles stratégies pour combattre les complications du diabète. On va dans la bouche maintenant pour une dent intelligente et un capteur pour analyser vos repas. Des chercheurs américains ont développé un capteur adhésif à coller sur une dent qui peut analyser la consommation de glucose, de sel et d'alcool et transmettre les informations à un téléphone intelligent. L'an dernier, dans ses prédictions sur les 5 innovations qui changeraient nos vies dans les 5 prochaines années, IBM évoquait le développement de laboratoires sur puces capables d'analyser les bioparticules présentes dans la salive, les larmes, le sang, l'urine ou la sueur. L'innovation portée par une équipe de l'université Tufts aux États-Unis n'en est pas encore à ce niveau de sophistication, mais elle va dans ce sens. Il s'agit d'un capteur adhésif miniature, décrit dans un article publié par Advanced Material, qui se colle sur la surface d'une dent pour suivre la consommation de glucose, de sel et d'alcool. Les informations transmises sous forme d'ondes radio peuvent être recueillies à l'aide d'un téléphone intelligent. C'est le principe de l'étiquette électronique RFID. Le capteur, qui mesure 2 mm par 2, est composé de 3 couches, un matériau bioréactif qui absorbe le nutriment et d'autres substances chimiques, et 2 cerclages en or. L'ensemble agit comme une antenne, et lorsque le capteur reçoit des ondes radio émises par un smartphone, il les restitue avec une altération dépendant de la qualité de substances chimiques. Si, par exemple, le matériau réagit à la présence de sel, il modulera les ondes radio d'une façon spécifique, en faisant varier leur intensité, à la manière d'un capteur qui changerait de couleur pour fournir une information. Une application mobile spécifique peut alors déterminer le type de substance et sa quantité. Les chercheurs estiment qu'ils pourraient modifier le dispositif pour détecter d'autres substances et l'adapter pour qu'il fonctionne notamment sur la peau. Alors, on passe de la bouche aux doigts. Hein? Comment craquer ses doigts? Pourquoi pour quelle raison est-ce que ça craque? C'est ce que je voulais dire. Pour quelle raison est-ce que ça craque? Le mystère est enfin résolu. Les chercheurs s'appuient sur une modélisation mathématique pour conclure que le bruit caractéristique des craquements de doigts est dû à l'éclatement de micro-bulles. Depuis des décennies, les avis divergent entre ceux qui pensent que le bruit vient de l'apparition des bulles et ceux qui affirment que ça provient de la disparition des bulles. Hein? Bref, tout le monde ne peut pas faire nécessairement craquer ses doigts. Toutes les articulations ne craquent pas et en général, il n'est pas possible de faire recraquer une articulation dans les 20 minutes qui suivent un craquement. Mais l'origine de ce bruit, parfois agaçant, fait débat dans la communauté scientifique. D'après deux chercheurs, l'un de Stanford et l'autre de l'École Polytechnique, qui publient un nouvel article sur ce sujet dans Scientific Reports, ces bruits sont dus finalement à l'éclatement de bulles microscopiques dans le fluide présent au niveau des articulations, qu'on appelle le liquide synovial. Les scientifiques ont utilisé un modèle mathématique avec une représentation géométrique de l'articulation pour simuler les phénomènes qui ont lieu lors du craquement. Cette modélisation semble indiquer que l'éclatement d'une seule bulle peut suffire à produire un bruit, comme l'a expliqué un des deux autres auteurs à l'agence France Presse. Cette théorie sur l'origine du bruit du craquement des doigts avait déjà été proposée il y a une cinquantaine d'années, en 1971. Mais en 2015, un article paru dans PLOS ONE avait montré, grâce à des IRM, qu'il restait toujours des bulles dans le liquide synovial après le craquement. L'étude, oui, suggérait plutôt que c'était l'apparition d'une bulle, d'une cavité qui était à l'origine du craquement. Le débat n'est peut-être pas totalement clos. Enfin, contrairement à certaines idées préconçues, ces craquements sont sans danger et ne favorisent pas l'arthrose. Très heureux de l'entendre, moi qui me fais tout le temps craquer les doigts et qui a peur de l'arthrose. Pardon, un médecin américain en a même apporté une preuve en faisant craquer une main et pas l'autre pendant 60 ans. Et en 2009, il a reçu un prix Ig Nobel pour sa fabuleuse démonstration pendant 60 ans. Et ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention pour pas faire craquer ton autre doigt. Je sais pas si ça craque plus une fois que t'as commencé à les craquer, puis ça va moins te démanger si tu l'as jamais fait craquer. Je sais pas, mais quand même. Ensuite, des chercheurs viennent de déterminer la meilleure manière d'appuyer sur un bouton. Hein, parlant d'études vraiment très utiles, ça arrive. L'étude qui nous intéresse donc a été menée par une équipe de scientifiques de l'université Aalto en Finlande et du KAIST en Corée du Sud. Le professeur Antti Ullas-Virta, de l'université Aalto explique, je cite... Cette étude a démarré avec l'admiration de notre remarquable faculté à adopter la manière dont nous appuyons sur un bouton. Elle n'est pas pareille si nous appuyons sur un bouton de télécommande ou une touche de piano. L'appui d'un utilisateur aguerri est de manière surprenante très élégant en termes de timing, de fiabilité et d'énergie dépensée. Nous pressons des boutons sans même connaître le fonctionnement interne d'un bouton. Pour nous, c'est essentiellement une boîte noire de notre système moteur. De notre côté, il nous arrive de ne pas réussir à activer un bouton et certains boutons sont connus pour être pires que d'autres. Et qu'ont donc permis de découvrir ces recherches? Sans grande surprise, on apprend que les meilleurs boutons sont ceux qui bougent. Les claviers mécaniques seraient un bon exemple. Ce ne sont certes pas les plus fins, mais ils sont très satisfaisants à utiliser. Cette étude qui pourrait aider à concevoir de meilleurs appareils et des interfaces utilisateurs plus agréables dans le futur en privilégiant ce genre de boutons plutôt que la finesse seulement. Je suis bien d'accord, pour ceux qui ont utilisé un clavier d'un récent MacBook là, où les touches pèsent quasiment pas, là, c'est vraiment pas aussi plaisant. Moi, mes boutons préférés, ce sont ceux qui sont plus caoutchouteux et non pas clic à clic à clic, mais plus un pom pom pom. Hein, c'est clair comme explication. Genre les manettes de Super Nintendo, ceux qui sont caoutchouteux. Et finalement, votre grand-mère peut aussi bien comprendre la science que votre grand-père, c'est ce qu'on apprend. Ce ne sont pas les exemples de sexisme en science qui manquent, nous rappelle l'agence France Presse, mais la journaliste israélienne Josie Glossius vient d'en identifier un autre. Nous sommes nombreux à recommander qu'un texte de vulgarisation soit assez simple pour être compris par votre grand-mère ou par votre tante. Mais rarement entend-on quelqu'un recommander qu'il soit assez simple pour être compris par votre grand-père. Hein? Son billet de blog paru sur le site du Scientific American a été inspiré par un courriel récent où un magazine l'invitait à proposer des sujets en santé et en éducation qui soient originaux, créatifs, des histoires qui passent le test de Tante Marthe. Votre hypothétique tante âgée serait-elle capable d'apprécier votre travail, demandait-il. Même Einstein est utilisé avec une citation qui n'est probablement pas de lui. Lorsqu'on lui fait dire, je cite, « Vous ne comprenez pas vraiment un sujet tant que vous ne pouvez pas l'expliquer à votre grand-mère. » Utiliser ce genre d'argument pour illustrer la complexité de la science ne rend-il pas encore plus improbable, demande Josie Glossius, que nous pensions à souligner les succès des femmes en science. Voilà. Une petite note sur laquelle on termine cette chronique de Merci Science. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On retourne à ce qu'on écoutait tantôt. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Alors, ça va entendre Garrett McPherson avec une pièce qui se nomme The Swamps of Brinstar. C'est sur le même album que tantôt, un hommage à Super Metroid. NPS, le Mathieu Plante Show. Thank you. La pièce Organization 14 sur l'album Darkness de Project The Statue. En fait, ils ont commencé en 2014. Ils essaient de créer des albums avec un orchestre basé sur la musique de Kingdom Hearts. Le premier s'appelait Light. Maintenant, 4 ans plus tard, on sort la suite. Darkness, c'est un projet avec 30 chansons qui proviennent de partout dans l'univers de Kingdom Hearts. Ça a pris vraiment plusieurs années à travailler là-dessus. On dit que chaque pièce a reçu plusieurs mois de planification et de considération pour arranger ça, pour dire une histoire, pour raconter une histoire. Voilà. Donc la pièce s'appelle Organization 14. Alors, on entendra une autre pièce de ça tantôt, si ça m'adonne. Est-ce que ça m'adonne? Je pense que ça m'adonne pas, malheureusement. Tantôt, on entendra autre chose. Pour l'instant, c'est le segment Geek Cynix. On va voir ça m'adonne tantôt. Donc le segment Geek Cynix, c'est la chronique de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Et on commence avec Bionic Willbot. On commence toujours par les robots, c'est ce que j'aime le plus. Le robot araignée qui se transforme en roue pour aller plus vite. Les robots sont déjà plus capables que nous dans certains domaines. Hein. Certains sont capables de se déplacer plus rapidement que nous. Les ingénieurs de chez Festo dévoilent leur dernière création, qui est le Bionic Wheelbot, un robot araignée capable de se replier et de devenir une roue pour atteindre son objectif. Ce robot s'inspire de la nature, oui, et plus particulièrement de l'araignée Flic-Flac, la Cybrinus Rickenbergi, connue pour faire des roulades sur le sable pour éviter les prédateurs. Avec sa capacité de transformation, le robot Bionic Wheelbot peut affronter une grande variété de terrains, et ça à une vitesse assez impressionnante. C'est pas la première fois qu'un robot s'inspire d'un animal ou d'un insecte du tout. Certains tirent leur inspiration du guépard, comme le robot Cheetah de chez Boston Dynamics, d'autres du chat, d'autres du cafard. Les plus effrayants étant peut-être finalement ceux qui veulent copier les humains, nous dit Uber Gizmo. Justement, parlant de Uber Gizmo, voici un exosquelette qui a été conçu pour soulager les genoux des skieurs. Le ski ou le snowboard peuvent paraître des activités de loisirs assez tranquilles, hein, il suffit de laisser faire la gravité, mais à un niveau plus sportif, la discipline demande énormément à vos genoux notamment. Cet exosquelette peut les soulager. Roam Robotics a récemment dévoilé un exosquelette conçu spécialement pour les skieurs. L'appareil est capable de déterminer vos intentions et d'agir pour soulager vos genoux et vous donner le petit coup de boost qu'il faut au moment où il faut. L'engin a été imaginé et conçu pour les personnes âgées qui aimeraient profiter de leur piste préférée, mais qui ne peuvent faire subir ça à leur corps. L'exosquelette peut ainsi aider les amateurs de ski, les amateurs de ski à profiter plus longtemps de la neige. Malheureusement, c'est très cher, évidemment, entre 2000 et 2500 $US pour pouvoir soulager vos genoux comme il se doit. Les robots, toujours un robot d'une dextérité étonnante qui s'appelle le DexNet. Des chercheurs de l'université de Berkeley ont développé une intelligence artificielle capable d'apprendre à saisir des objets et à généraliser son approche pour l'adapter à des formes inconnues. Cela lui confère une dextérité inédite qui pourrait trouver de nombreuses applications pour la robotique industrielle, médicale ou domestique. En robotique, la saisie et la manipulation d'objets est l'un des grands défis techniques, car les robots qu'on retrouve, par exemple, dans l'industrie, manient toujours les mêmes pièces et ne savent pas s'adapter en temps réel à un changement. C'est pourquoi les progrès démontrés par un nouveau robot conçu par le groupe Autolab de l'Université de Berkeley sont si prometteurs. Le magazine MIT Technology Review a découvert en avant-première la dernière évolution du DexNet. Il s'agit d'un robot muni de deux bras, l'un possédant une pince, l'autre une ventouse aspirante. Chaque bras est contrôlé par un réseau neuronal spécifique et le programme numérise un objet à l'aide d'un capteur 3D haute résolution, puis l'analyse pour décider quel bras est le mieux adapté en fonction de sa forme. Le robot trie des objets mis en vrac dans un bac avec une adresse et une rapidité inédites. C'est précisément sur le réseau neuronal que les chercheurs ont grandement amélioré les performances d'apprentissage de DexNet. Grâce aux simulations qu'elle réalise dans un environnement virtuel, l'intelligence artificielle est en mesure de s'adapter à un objet inconnu en se basant sur son expérience. Les humains peuvent trier entre 400 et 600 objets à l'heure. Lors d'un concours organisé par Amazon, les meilleurs robots ne faisaient pas plus de 70 à 95 objets à l'heure. DexNet, lui, est entre 200 et 300 objets à l'heure. Une amélioration quand même notable qui pourrait faire grandement progresser la robotique industrielle, mais pas seulement ça. Selon le MIT Technology Review, ça ouvre aussi la voie à la création de robots très adroits qui pourraient assister pour certaines tâches dans les hôpitaux ou encore en gériatrie. Electronic Arts prépare le futur du jeu vidéo en entraînant des intelligences artificielles dans le jeu Battlefield. À la Game Developers Conference, la division dédiée à l'intelligence artificielle de l'éditeur Electronic Arts, ce qu'on appelle la SEED, a dévoilé une vidéo de partie de Battlefield où aucun joueur n'est humain. Il n'y a que des intelligences artificielles. Donc, récemment, à San Francisco se tenait la GDC 2018, à l'occasion de laquelle on a déjà pu découvrir les avancées faites par Nvidia et Microsoft, entre autres. Aujourd'hui, c'est donc Electronic Arts qui entre dans la danse, mais pas question de technologie graphique, donc en l'occurrence. L'éditeur de jeu est là pour présenter ses dernières recherches en matière d'intelligence artificielle. C'est sa division SEED pour Search for Extraordinary Experiences Division, qui est créé officialisé en juin 2017 lors de l'E3, qui assure tout ça. Les développeurs de Electronic Arts se sont parvenus à entraîner des intelligences artificielles à jouer à Battlefield, premier du nom, l'un des jeux de tir à la première personne les plus aimés. Le résultat est donc en vidéo sur assemblagerequis.com. Magnus Nordin, qui est le directeur technique chez Seed, explique que pour parvenir à faire en sorte que les agents d'intelligence artificielle puissent se comporter comme, ou presque, des humains dans certaines situations, les chercheurs leur ont d'abord fait analyser 30 minutes de jeu assurées par des joueurs humains. Ensuite, une fois qu'elles ont eu maîtrisé les bases, les intelligences artificielles se sont affrontées les unes les autres, des versions d'elles-mêmes, mais aussi de classiques bots, donc des intelligences artificielles scriptées qui sont incluses dans le jeu, se sont ainsi opposées 6 jours durant sur... les mots des articles français, se sont ainsi opposées 6 jours durant... sur plusieurs machines. En tout, chaque agent aura ainsi joué l'équivalent de 300 jours de jeu. Comme le montre la vidéo, les agents d'intelligence artificielle savent correctement gérer le manque de munitions ou de vie, comme des caisses de couleurs à récupérer, et peuvent réagir presque comme le feraient des joueurs lorsqu'ils aperçoivent un adversaire. Ils savent aussi exploiter la mini-carte du jeu, et contrairement à la plupart des bots contrôlés par une intelligence artificielle, leur champ de vision est égal à celui d'un joueur classique, donc pas de vision à travers les murs ou d'omniscience. En revanche, les agents ont parfois des comportements bizarres. Ils ont ainsi tendance à courir en cercle ou à partir à se promener sur la carte sans but si aucune cible n'est à portée de tir ou qu'un potentiel ennemi n'a pas été clairement identifié. Aussi, si vous attendez d'eux qu'ils se déplacent stratégiquement en élaborant une tactique à plusieurs étapes et plusieurs protagonistes, vous allez être déçus car ils en sont pour le moment incapables. On explique cependant que, mis en face de joueurs véritables, les agents ont réussi à s'en sortir honorablement. Selon une arme, seule une arme était autorisée pour tous les protagonistes et les intelligences artificielles ont réussi à s'adapter à tel point qu'après quelques parties, les joueurs testeurs ont demandé aux développeurs de clairement identifier les agents. Croiser ce type d'intelligence dans nos jeux vidéo n'est pas encore à l'ordre du jour. Les chercheurs du Seed pensent tout d'abord à se servir de ce nouvel outil pour améliorer la détection de bugs ou de crash dans les jeux avant que ceux-ci ne sortent officiellement. La suite logique serait d'implanter ce type d'intelligence dans un titre où elle officierait en tant que personnage non-joueur, donc joué contre l'ordinateur, capable d'interagir intelligemment avec les joueurs en adaptant leur comportement. Peut-être que dans un troisième temps, les intelligences artificielles constitueront les adversaires des modes solo, peut-être, des titres console et PC, entre autres. Les intelligences artificielles vont d'abord nous aider à améliorer les jeux, puis nous épauler avant de nous mettre des raclés à force de nous observer, bien sûr, après avoir appris de nos erreurs. Ensuite, et si Google Home pouvait imiter parfaitement la voix humaine? Des chercheurs de Google ont réussi à moduler des voix synthétiques de façon aussi expressive que des voix humaines, oui, ce qui va permettre d'améliorer et même de personnaliser les assistants vocaux. Vous pouvez faire l'expérience de confier à Google Assistant que vous avez perdu votre chien, peut-être, et il vous répondra une phrase du type « C'est une triste nouvelle, ça doit être difficile pour vous », d'un ton si monocorde et si avec si peu d'affectation que vous aurez l'impression qu'il se moque de vous. Hein? C'est l'un des obstacles actuels de la recherche en synthèse vocale. Il est difficile d'obtenir un ton expressif. Pour y parvenir, les chercheurs de Google ont décidé de prendre en compte la prosodie, c'est-à-dire la durée, la mélodie et le rythme des sons. Ce qu'aucun programme n'avait fait jusque-là. Modéliser la prosodie va enfin permettre d'obtenir des voix artificielles au rendu naturel et même, pourquoi pas, personnaliser votre assistant vocal en lui demandant de simuler à la perfection n'importe quelle voix, dont la vôtre, se parler à soi-même, enfin. En fin d'année dernière, la même équipe de Google avait réussi à générer une voix synthétique féminine en anglais au résultat si naturel qu'elle n'avait pas été distinguée d'une voix humaine lors de tests. Le programme s'appelle Tacotron 2 et reposait sur 2 réseaux neuronaux. Un premier qui divise le texte en séquences et transforme chacune d'elles en spectrogramme. Ça, c'est un diagramme qui représente visuellement l'intensité des fréquences audio. Et le second s'appelait WaveNet, qui est déjà à l'œuvre présentement dans le Google Assistant, qui génère automatiquement les fichiers audio. Si Tacotron 2 avait obtenu de si bons résultats, c'est parce qu'il faisait déjà varier le volume, la vitesse d'élocution et la ponctuation, mais il était limité car il ne pouvait pas contrôler l'expression de la voix. Mm-hmm. La grande nouveauté, c'est donc la modélisation de la prosodie, oui, qui fait l'objet des deux articles scientifiques dont je parle en ce moment. Le premier décrit comment l'architecture de Tacotron a été modifiée de manière à ajouter une sorte de codeur de prosodie qui se base sur l'enregistrement audio d'une parole humaine servant de référence. Des caractéristiques comme le stress ou l'intonation sont étiquetées, ce qui permet de reproduire cette prosodie avec d'autres phrases que celles de l'enregistrement. Le premier fichier qui correspond à l'enregistrement du modèle de référence, donc que voici, celui-là ici, ploup ploup, et bling bling. Si ça veut bien fonctionner, c'est rare que ça fonctionne, le SoundCloud ici, hein? C'est très rare. Mais j'aimerais ça, par contre. Hein? M'en faire de la prosodie, moi. Je vais vous varier mon ton. For the first time in her life, she had been danced tired. Ah, OK. On va écouter maintenant le second, qui a une voix simulée reprenant la même prosodie appliquée à une autre phrase. For the last time in his life, he had been handily embarrassed. Oh, c'est pas pire, ça. J'aime ça. J'aime bien ça. En fait. For the last time in his life, he had been handily embarrassed. Et cela fonctionne même avec des voix différentes du modèle de référence, mais ça reprend la vitesse, la cadence, le ton. I've swallowed a pollywog. I've swallowed a pollywog. Et une voix simulée différente. I've swallowed a pollywog. Oh, c'est beau ça, c'est même charmant, je dirais. I've swallowed a pollywog. Mais bref, j'étais en train de vous raconter une histoire avec tout ça, moi. Le hic, c'est qu'il n'est pas possible de cette manière de reproduire cette prosodie avec des phrases qui ne comportent pas la même structure et longueur que l'enregistrement de référence. En gros, tout ça nécessiterait d'enregistrer une voix humaine pour chaque palette d'expression et chaque structure de phrase, qui est quand même assez difficile. Les chercheurs ont donc tenté de s'affranchir de ces limites, ce qu'ils expliquent dans un second article. Ils ont mis au point une autre méthode non supervisée capable de convoquer une expression triste, joyeuse ou agressive sans passer chaque fois par un modèle de référence. La machine apprend ainsi des variations d'expression indépendamment du texte prononcé et les transpose dans n'importe quelle situation. Une méthode qui a même fonctionné avec des vidéos YouTube comportant un certain bruit ambiant. Donc voici un exemple maintenant d'une même phrase prononcée par une voix artificielle, mais dans deux styles différents. On commence par la première. United Airlines 563 from Los Angeles to New Orleans has landed. Et le deuxième? United Airlines 563 from Los Angeles to New Orleans has landed. L'équipe de Google annonce cependant qu'elle doit encore beaucoup améliorer son programme avant de pouvoir en tirer des applications au grand public, mais le jour approche peut-être où une intelligence artificielle pourra susciter des sentiments grâce à une voix nuancée. Ensuite, la Galerie nationale de Prague, qui utilise la réalité virtuelle pour présenter aux aveugles des sculptures iconiques. Vous allez pouvoir toucher, en fait, enfin, une statue. Oui, oui, tu sais, dans les musées, on dit « Non, non, non, on touche pas ça. » Dans les magasins, si tu le touches, si tu l'échappes, tu l'achètes. C'est frustrant pour les aveugles qui ne sont pas capables de comprendre l'art s'ils peuvent pas utiliser leur sens pour comprendre. Hein? Donc, la National Gallery of Prague qui a lancé Touching Masterpieces, une campagne qui permet aux gens, en fait, aux aveugles de toucher des sculptures dans un espace virtuel. Ça a été créé avec l'aide de Geometry Prague et de Neuro Digital en collaboration avec The Leontinka Foundation for the Blind and Visually Impaired. Donc, c'est une expérience en réalité virtuelle qui met en vedette des gants haptiques qu'on appelle Avatar VR, qui sont spécialement adaptés pour cette campagne-là. Et ça permet aux aveugles de toucher, par exemple, au David de Michelangelo, Venus de Milo, et le buste de Nefertiti. Voilà. Donc, vous allez voir la vidéo de comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. C'est un petit peu comme le monde imaginé dans le film Ready Player One et dans le livre. Les gants haptiques qui vous permettent de toucher à des objets en 3D dans un espace virtuel. Et quand vous touchez quelque chose, vous avancez votre main, vous touchez, et votre sens de la profondeur et de la texture passe en tant que vibration dans le gant et le cerveau va le comprendre, l'analyser un petit peu, donner une petite impression plus détaillée de l'objet qu'on touche. Ensuite, eBay utilise la réalité augmentée pour choisir la bonne taille de vos colis. eBay qui a mis à jour son application sur Android récemment et ça contient une nouvelle fonctionnalité qui exploite les ressources de la réalité augmentée pour résoudre un problème rencontré par tout le monde, tous les vendeurs littéralement sur la planète. Quelle taille de boîte choisir pour emballer son colis? Toujours difficile ça. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui est cependant disponible que pour les modèles récents d'Android. La réalité augmentée ne sert pas donc à chasser les Pokémon sur Android. Non. eBay ajoute donc cette nouvelle fonctionnalité-là bien pratique. Il suffit de pointer la caméra de votre smartphone vers l'objet à impacter et l'application va superposer en transparence un volume par-dessus le produit. Il suffira ensuite de faire défiler les différentes boîtes proposées jusqu'à ce que vous tombiez sur celle dont la forme est la mieux adaptée à votre objet. La fonctionnalité donne également le prix de chacun des cartons proposés. Et grâce à elle, vous aurez pu ajouter des mètres et des mètres de papier bulle pour combler l'espace vide dans votre colis. L'application eBay qui est déjà compatible avec un très grand nombre de produits courants. Pour créer cette fonctionnalité-là, eBay a employé AR Core, qui est le kit de développement proposé par Google. eBay précise qu'elle n'est pour l'instant compatible qu'avec un petit nombre de modèles de smartphones tournant sous Android. Et c'est pas disponible sur iOS encore. On revient à l'intelligence artificielle qui peut prédire quand vous allez mourir. Des chercheurs russes ont développé une intelligence artificielle capable supposément d'analyser vos données quotidiennes d'activité, de sommeil, etc. afin de déterminer votre état de santé et ainsi votre espérance de vie. Et mieux encore, ils l'ont intégré dans une application. Les objets intelligents, donc téléphone intelligent, montres connectées, etc., sont de véritables mines d'informations sur votre santé. Ils permettent de suivre vos habitudes sédentaires ou sportives, de tenir le compte de vos pratiques alimentaires, si vous utilisez une application dédiée, et même de savoir si vous dormez ou moins bien, ou moins... Et si vous utilisez une application dédiée, de savoir si vous dormez bien ou au moins assez, voilà. Autant d'éléments qui permettent d'encourager à se tenir en forme et surtout de savoir si vous menez une vie saine. Mais il pourrait s'avérer encore plus utile. Des chercheurs et scientifiques russes ont développé donc une intelligence artificielle capable d'utiliser toutes ces informations-là pour établir votre espérance de vie avec une précision bien, bien plus avancée que ce qui se faisait jusqu'à présent, selon un article de la très sérieuse revue Nature. Il existe en effet déjà des solutions plus contraignantes pour établir l'âge biologique d'une personne. L'analyse de son flux sanguin, par exemple... ou encore divers biomarqueurs de l'âge, comme la méthylation notamment. Mais les équipes du MIPT, une université moscovite réputée, et de la société de biotechnologie Gero, ont utilisé un réseau neuronal convolutif appliqué à un très gros ensemble de données collectées dans le cadre d'une étude menée aux États-Unis sur des milliers de personnes suivies pour une semaine sur une période courant de 2003 à 2006. Ce paragraphe-là n'était qu'une seule phrase. À partir de données comme la régularité de l'activité physique, les habitudes de sommeil, etc., ces chercheurs ont établi un modèle qui permet d'affiner l'analyse de l'état de santé général. Ils l'ont ensuite intégré dans une application qui s'appelle Gero Lifespan, disponible sur l'App Store. Il faudra toutefois saisir votre compte Facebook et on sait que les données Facebook, c'est en ce moment pas à la mode, babe. Bref, pour encore plus de précision et une vision complète de votre santé, les chercheurs précisent qu'il faudrait combiner l'utilisation de leurs applications avec des mesures médicales classiques. S'ils jugent que leur application n'est pas encore totalement prête pour une utilisation médicale, ils affirment en revanche qu'elle est plus efficace que les méthodes préalablement disponibles, notamment pour établir des modèles de détection plus précis des risques de santé, une avancée qui pourrait être utile pour les questions de santé publique, pour les assureurs éventuellement, avec toutes les questions éthiques que ça pose évidemment, mais aussi pour les utilisateurs qui pourraient ainsi être encouragés à prendre un petit peu plus soin d'eux-mêmes. Donc, pour savoir que là, vous allez savoir quand vous allez mourir, mais après votre mort, la police américaine peut déverrouiller les iPhones avec les empreintes des morts. Apple n'avait pas imaginé à quel point les policiers pouvaient faire preuve de sens pratique. Il est devenu courant dans les affaires criminelles de déverrouiller un iPhone en posant l'index d'une personne décédée sur le scanner tactile de son appareil. Ouais. Jugé plus sûr que le code classique à 4 ou à 6 chiffres, Touch ID s'avérait finalement une aubaine pour les forces de l'ordre. Le 28 novembre 2016, sur le campus de l'Université de l'Ohio à Columbus, aux États-Unis, Abdul Razak Ali Artan fauchait volontairement plusieurs piétons au volant d'une voiture avant d'en sortir et de poignarder des passants. Évidemment. 7 heures après l'avoir abattu, la police tentait de déverrouiller son iPhone avec l'index de son cadavre afin d'en apprendre davantage sur lui. D'après Forbes, qui raconte l'anecdote, c'est la première affaire sur le sol américain dans laquelle les enquêteurs ont eu l'idée d'exploiter l'empreinte digitale d'un mort pour franchir les protections d'Apple. Pas de chance, par contre, pour le FBI à Columbus. Abdul Razak Ali Artan possédait un iPhone 5. Il n'y a pas encore Touch ID sur l'iPhone 5, c'est arrivé avec l'iPhone 5S. C'est donc, semble-t-il, avec la technique mise au point après l'affaire San Bernardino que les policiers sont parvenus à accéder aux données de son terminal. Le déblocage du fameux iPhone de San Bernardino avait donné lieu à un bras de fer entre le FBI et Apple, on s'en souvient. Apple qui refusait de collaborer au nom de la protection de ses clients. Le FBI qui aurait payé plus d'un million d'euros à une équipe de hackers pour pénétrer dans le smartphone. Mais grâce à Touch ID, plus de polémique. Après Columbus, il serait devenu relativement courant d'appliquer le doigt d'un mort sur le scanner d'un iPhone pour en percer les secrets. Dans plusieurs affaires d'overdose, les informations récupérées dans l'appareil de la victime ont permis de rapidement retrouver le dealer. Bien que moralement discutable, nous dit Clubic.com, la technique est parfaitement légale. Un mort perd automatiquement le droit à la préservation de sa vie privée lorsqu'il meurt. La police américaine qui travaille maintenant sur les possibilités de Face ID, que certains chercheurs sont déjà parvenus à contourner avec des photos et des masques 3D. Justement, parlant d'iPhone et de méthodes pour le laisser verrouiller en sécurité, l'iPhone pourrait bientôt être manipulé sans aucun contact. Selon les informations de Bloomberg, Apple étudierait la possibilité d'intégrer à l'un de ses prochains iPhones l'option permettant de manipuler le smartphone sans avoir à toucher son écran. Si la piste d'une manipulation sans contact est retenue, ce qui reste encore à confirmer, sa mise en œuvre pourrait prendre jusqu'à 2 ans. La concurrence donc fait rage sur le marché des smartphones, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, se contenter de proposer des produits à la pointe de la technologie ne suffit plus. Les fabricants rivalisent donc d'imagination pour ravir leurs fans et en engranger de nouveaux. Selon les informations de Bloomberg, dont les journalistes se sont entretenus avec des personnes connaissant le dossier, Apple souhaiterait que ses iPhones puissent être contrôlés sans avoir appuyé sur l'écran. Pour réaliser telle ou telle manipulation, il suffirait donc d'approcher son doigt de l'écran. La distance entre l'écran et le doigt serait d'ailleurs prise en compte, une grande et une petite distance n'appelant pas les mêmes comportements de la part du téléphone, un peu comme présentement on a Force Touch, ou comment ça s'appelle, 3D Touch maintenant. Donc un peu le même principe, plus tu pèses fort sur l'écran, plus les options sont rendues un clic droit, mettons. Tu pourrais faire la même chose, mais sans toucher à l'écran. Il faut dire qu'Apple a toujours exploré de nouvelles façons pour les utilisateurs d'interagir avec ses équipements technologiques. Et on rappelle dans l'article que c'est bien Apple et Steve Jobs, son cofondateur, qui ont popularisé l'usage de la souris d'ordinateur au début des années 80. Et comme j'en parlais il y a quelques secondes, 3D Touch qui distingue les différents niveaux de pression que l'utilisateur exerce en appuyant. Toujours selon Bloomberg, pour ses prochains iPhones, Apple chercherait aussi à créer des écrans incurvés. On a déjà parlé de ça. Selon les interlocuteurs de Bloomberg, il s'agirait d'écrans qui sont incurvés progressivement du haut vers le bas. On ferait donc pas la même chose que Samsung. Ses écrans ont des bords incurvés de chaque côté, mais Apple pourrait présenter son premier iPhone au bord incurvé, l'iPhone 10 n'ayant qu'un seul bord incurvé qui est en bas. Pour cela, Apple aurait recours à la technologie OLED, à la différence des écrans LCD. Les écrans OLED peuvent être incurvés et même pliés, mais l'arrivée de ces écrans pourrait ne pas être pour 2018. Il faudrait également attendre 2020 ou 2021 pour pouvoir voir l'arrivée des écrans micro-OLED, une invention maison actuellement en développement. C'est ça. Ensuite, on va à Séoul, où on force l'arrêt des PC. C'est la décision de la mairie de Séoul pour préserver ses fonctionnaires. La municipalité de Séoul va éteindre automatiquement les PC des employés administratifs pour lutter contre leur forte tendance à trop travailler et à ne pas partir tôt le vendredi soir. 2739 heures par an, soit 52 heures par semaine, c'est le temps moyen travaillé par le personnel de l'administration sud-coréenne et ça préoccupe le gouvernement de Séoul qui a décidé de sévir et lance un plan en trois phases pour réduire ce nombre d'heures et surtout pour forcer ses employés à partir plus tôt le vendredi soir. À partir donc du 30 mars dernier, les PC des fonctionnaires sont automatiquement éteints à partir de 20h le dernier jour ouvré de la semaine. Puis, courant avril, lors des second et quatrième vendredis du mois, les écrans vont s'éteindre à 19h30. Puis, à partir du mois de mai, l'extinction va être à 19h les vendredis. Cependant, plus de 67,1% des employés du gouvernement ont demandé à ne pas être concernés par cette mesure. Des cas particuliers et exceptionnels seront étudiés, mais les dispenses devraient être rares. Un plan qui est donc dans la ligne droite d'une mesure de réduction du temps de travail adoptée très récemment par l'Assemblée nationale coréenne, passant le nombre d'heures travaillées hebdomadaires de 68 à 52 heures. C'est incroyable. Mais en même temps, je me soucie des ordinateurs qui vont être fermés à chaud, je pense. J'espère qu'il y a une procédure pour fermer de façon sécuritaire, t'sais. Fermer les logiciels avant, t'sais. Je veux pas que ça fasse planter un disque dur non plus, hein. Ensuite, parlant d'informatique, durant le carême, moins de porno veut dire moins de virus informatique. Que les sites pornographiques soient de gros pourvoyeurs de virus informatiques, ce n'est pas un secret, mais une nouvelle étude le confirme. Les chercheurs du spécialiste en sécurité informatique Enigma Software Group ont découvert un lien entre la période du carême, ça c'est la période de privation et de recueillement qu'observent les chrétiens, et une baisse significative dans les infections par les virus informatiques. Le carême, ça dure 40 jours. Ça a commencé le 14 février, lors du mercredi des cendres. Durant cette période, les chrétiens pratiquants sont invités à se recueillir et donc à ne pas céder aux tentations, comme la pornographie. Le lien n'est probablement pas intuitif, mais il est bien réel si on en croit l'étude publiée par les chercheurs de ESG le 19 mars dernier. La chute est même significative puisque l'étude montre une baisse de 17% des infections de virus aux États-Unis depuis le début du carême par rapport au mois qui précède cette période. Une telle baisse ne peut pas être due au hasard, disent-ils. Le porte-parole de ESG, Ryan Garden, interrogé par WNGO, explique que les chrétiens qui observent le carême ont l'habitude de réduire leur utilisation des réseaux sociaux et de la technologie en général. Ils vont également réduire le temps passé sur les sites pour adultes qui sont des sources courantes d'infections. Résultat, le risque de se faire attaquer par un virus est fortement réduit. Pour corroborer cette thèse, ESG a analysé les attaques de virus dans les principales villes américaines ayant une importante population catholique. Les résultats sont éloquents puisque la baisse des attaques a été bien supérieure à la moyenne nationale. À New York, la chute a été de 31% depuis le début du carême et même de 36% à Boston. Le record est détenu par Pittsburgh, avec une baisse de 38% des attaques de virus. On note que l'impact est significatif même à Las Vegas, pourtant connue comme une ville du vice, où les attaques de virus ont chuté de 21%. Parlant de pornographie, des créateurs de vidéos d'armes à feu se tournent vers Pornhub. Oui. Visé par de nouvelles restrictions importantes par YouTube, vous avez peut-être entendu parler de ça, les créateurs de vidéos sur les armes à feu ont déménagé leur chaîne sur le site Pornhub. Les abonnés de InRange TV, une chaîne spécialisée dans les critiques d'armes à feu et accessoires, pourront désormais trouver les contenus de la chaîne, oui, à la fois sur YouTube et sur Pornhub. Je cite, les nouvelles politiques vagues et unilatérales de YouTube montrent clairement qu'on ne peut pas compter sur la plateforme pour héberger une large variété de points de vue et de sujets, écrivent les responsables de la chaîne sur Facebook. Pornhub a démontré qu'elle était proactive dans la communauté en ligne, en plus d'administrer une plateforme de diffusion robuste et résiliente. Rien n'indique pour l'instant qu'InRange TV a l'intention de fermer sa chaîne YouTube, mais ses vidéos pourraient être systématiquement supprimées par le nouvel algorithme qui entrera en fonction en avril. Pour l'instant, on ne peut pas savoir quelles autres chaînes ont emboîté le pas à InRange TV, nous dit Radio-Canada avec NPR, Bloomberg et CNET. D'autres créateurs ont toutefois exprimé leur désaccord avec les nouvelles règles présentées par YouTube. Le fabricant d'armes floridien Spice Tactical a notamment critiqué ce qu'il qualifie d'attaque à ses droits après que sa chaîne a été suspendue pour violation répétée ou sévère des règles de YouTube. Je cite « La gauche libérale érode lentement nos libertés et nos droits et la première étape est d'étouffer notre voix », écrit Spice Tactical sur Instagram. De dire que nous sommes à bout de nerfs serait un euphémisme, toutefois nous ne reculerons pas. La chaîne a depuis été remise en ligne par YouTube qui a évoqué une erreur selon Bloomberg. Et pour terminer, la ville de demain, testée dans une chambre climatique. Sense City, c'est une plateforme de recherche sur la ville du futur qui vient d'être inaugurée en région parisienne. Elle va permettre de tester de nouveaux matériaux, d'étudier la pollution atmosphérique, celle de l'eau et des sols, mais aussi de simuler n'importe quel événement climatique ou type de pollution pour en observer l'impact. Donc imaginez la ville du futur, ses bâtiments, les matériaux, le mobilier urbain, la place de la végétation en confrontant le tout à l'impact des conditions climatiques et de la pollution. C'est en résumé la vocation de Sense City. Il s'agit d'une petite ville de moins de 400 mètres carrés qui simule divers éléments urbains bardés de capteurs. On y trouve notamment une maison biosourcée en béton de chanvre, une portion de route et du mobilier urbain intelligent. Une chambre à climatique mobile peut être déployée au-dessus de ces modules afin de mener des simulations météorologiques. Cette installation vient d'être inaugurée en France, à Champs-sur-Marne, dans Seine-et-Marne, pardon. Elle a été financée par l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 9 millions d'euros. Sont impliqués dans le projet l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, le SIE Paris, le laboratoire CNRS Polytechnique sur les nanomatériaux, le Centre scientifique et technique du bâtiment, l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée ainsi que l'INRIA. Sense City, donc, est à ce jour unique en Europe et le seul à prendre en compte autant d'éléments d'urbanisme. La chambre climatique, notamment, va permettre de recréer des conditions météo ordinaires ou extrêmes pour reproduire des scénarios auxquels les villes de demain seront confrontées. Il sera donc possible de programmer, par exemple, des canicules sur des périodes de plusieurs semaines et d'étudier les effets de ces canicules sur la pollution, la résistance de la végétation ou encore la calibration des capteurs. L'étude portera également sur le sous-sol des villes grâce à la reproduction d'un réseau d'eau usée, d'un réseau d'eau potable et d'un dispositif de géothermie. Le deuxième espace de 400 mètres carrés sera opérationnel dans le courant de l'année et permettra notamment d'étudier le rôle de la végétation dans un milieu urbain. C'est vraiment très bien. Voilà pour le bloc Merci Science. Tantôt, on était en train d'écouter l'album Project Destati Darkness. C'était de la musique provenant de Kingdom Hearts, deuxième d'une série de trois albums. Les deux premiers sont disponibles présentement en version numérique et en édition limitée physique sur Bandcamp, iTunes et Spotify. Donc le deuxième de trois volumes, Project Destati Darkness. Alors, on avait écouté une pièce, écoutons-en une deuxième. C'est celle qui ouvre l'album. Donc écoutons Overture, tout de suite par le Project Destati, tout de suite MPS, le Mathieu Plante Show.

King Guitar Live avec Sword from Stone, une pièce de Secret of Mana. Et l'album Warpath de Viking Guitar Live met en vedette plein de séries. Mega Man X2, Ninja Gaiden 2, The Seven Saga, Zelda, Secret of Mana, Ghosts and Goblins, un paquet d'autres. Donc sur l'album Warpath de Viking Guitar Live. Maintenant, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, c'est la chronique de tout ce qui bouge, bien sûr. Et on commence avec une voiture électrique. Est-ce que ça menace la voiture électrique? L'industrie de la boisson. C'est selon une analyse de Morgan Stanley, l'avènement de la voiture électrique pourrait avoir des conséquences néfastes sur les ventes de boissons. En effet, les automobilistes n'auront plus besoin de se rendre dans des stations-service dont les épiceries représentent une part importante du chiffre d'affaires de ce secteur agroalimentaire en Amérique du Nord. Lorsqu'on parle d'une voiture électrique, on entend principalement parler de ses impacts les plus évidents, notamment la réduction de la pollution atmosphérique ou la fin de la dépendance aux énergies fossiles, mais il faut aussi envisager les conséquences inattendues en apparence déconnectées du sujet, comme la vente des boissons. C'est un article du Washington Post qui alerte sur la menace potentielle que les voitures électriques feraient peser sur l'industrie de la boisson, selon l'analyse de Morgan Stanley. Voilà. Un achat d'impulsion qui représente également une portion importante des revenus que les boutiques de stations-service tirent des ventes additionnelles au carburant. Morgan Stanley est même allé jusqu'à s'intéresser à la marque de boisson Monster Beverage, dont 63% des recettes proviennent des ventes dans les stations-service et les épiceries, qui pourraient donc être fortement affectées par la fin du moteur à essence. Ils vont trouver d'autres choses, hein? Les applications GPS aggraveraient-elles les embouteillages? Hein? On cherche des problèmes. Mais grâce à un simulateur, Alexandre Bayen a pu étudier l'impact d'un accident potentiel survenant sur une autoroute de Californie sur la circulation environnante. Deux cas de figure. Dans le premier, 20% des conducteurs utilisent la même application de navigation. Dans le second, aucun d'entre eux n'en utilise. Et dans la première configuration, les conducteurs qui suivent leur application empruntent les mêmes bretelles de sortie et les embouteillages sont inévitables. La situation empire alors car des centaines de gens comme nous veulent prendre des petites rues qui n'ont jamais été conçues pour prendre en charge une telle circulation. Il faudrait d'autres études, notamment pour savoir si le temps de trajet augmente sur l'ensemble du secteur avoisinant. L'enjeu serait aussi de déterminer s'il existe un seuil d'utilisateurs à partir duquel l'impact négatif est véritable. On pourrait alors imaginer que les applications communiquent entre elles intelligemment pour répartir au mieux les automobilistes, que ce soit sur les rues plus populaires ou les rues moins populaires. Ensuite, on va en France pour rencontrer un pavé parisien connecté et nomade, l'enceinte en béton, qui arrive. Oui, oui. La start-up The Concrete Family qui annonce le lancement de sa campagne de financement participatif sur la plateforme française Kiss Kiss Bank Bank. Je m'en entends ça de ma vie, mais c'est donc bien cute. Pour le financement de son enceinte connectée en béton, le pavé parisien. Donc, le pavé qui compte faire parler de lui. Si l'enceinte vous séduit, n'hésitez pas à aider cette start-up, nous dit Uber Gizmo, car les 100 premiers inscrits à la campagne de sociofinancement bénéficieront de tarifs préférentiels. Ce pavé en béton, donc de 10 cm de côté, est un clin d'œil au pavé historique, chaque jour foulé du pied par les Parisiens. Il est ici détourné et travaillé dans un design minimaliste d'aspect brut. Donc, c'est un haut-parleur. Le tout n'est pas d'en faire... Ah, c'est un haut-parleur! J'avais juste lu le début. Le tout n'est pas d'en faire un objet simplement original. Le béton fibré ultra haute performance propose la restitution d'un son qualitatif pour 20 watts de puissance. Et si le poids vous effraie, le poids du béton d'un pavé, ce n'est pas plus lourd, nous dit-on, qu'une bouteille d'eau. Donc 1,3 kg. Le pavé tiendra le choc pendant 6 à 8 heures grâce au Bluetooth Low Energy. L'enceinte intègre un système d'amplification du signal sonore, une entrée et une sortie mini jack ainsi qu'une prise mini USB. Voilà. Ensuite, là, ça va revenir au vrai véhicule, hein, non pas un haut-parleur inspiré par la route. Le L-Sev, la première voiture imprimée en 3D qui arrivera en 2019. Le constructeur italien de voitures électriques XEV s'est associé à la firme chinoise Polymaker pour concevoir la première voiture de série fabriquée par impression 3D. Elle sera commercialisée l'an prochain. Il y a déjà 7000 précommandes. Considérée comme un gadget lorsqu'elle était qu'en phase embryonnaire de son développement, l'impression 3D ou la fabrication additive devient de plus en plus crédible, surtout lorsqu'un constructeur annonce une voiture fabriquée en masse grâce à ce procédé sur les routes dès 2019. Le modèle s'appelle L-Sev et c'est grand comme une Smart et presque entièrement conçu grâce à la technologie d'impression 3D. C'est le fruit d'un partenariat entre le fabricant chinois Polymaker et le constructeur italien X-Electrical Vehicle quelques composants du véhicule restent fabriqués selon les méthodes conventionnelles comme le châssis, les vitres et les pneus, mais la plus grande part de la voiture est le fruit de l'impression. Il est probablement plus aisé, plus rapide et surtout moins coûteux de recourir à des méthodes conventionnelles de production, mais le vrai intérêt de l'impression 3D réside dans la réduction radicale des déchets au cours du processus de fabrication. C'est pourquoi le patron de Polymaker prévoit que son projet inspirera plus de constructeurs à adopter l'impression en 3D. Autre avantage, c'est que ça permet aux constructeurs de réduire considérablement le nombre d'éléments utilisés et ainsi réduire l'impact environnemental de la production automobile. Voilà pour le bloc Tout ce qui bouge et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se termine ça rapidement comme ça. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Je l'aime aussi Assemblage requis pour encore quelques semaines en compagnie de Tania Baudin du lundi au vendredi de 7h à 10h. CIF.ca, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balado-diffusions de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Restez là pour Audiomatique, auditeur du mercredi soir. C'est très important. Et on se quitte avec l'album Ganymede Jazz, fondé à Tokyo en 2016, qui interprète des classiques, des jeux vidéo et des animés japonais avec un quintet jazz. C'est la pièce To Suffer is to Love. Voilà. À la semaine prochaine. Bye-bye. Happy on a day just like today. I was young and deluded like you. Hear the footsteps are coming closer now. Feel the beating in my chest. Cannot run from all I hold so dear, and Father, He knows best. Want to be a child of God who saves the world from its own self. To suffer is to love. A price that I